Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 3, les Biopsis. Le fascicule allemand numéro 100, l'étoile cible, écrit par K.H. Scheer en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 44, le Caboteur cosmique, paru chez Fleuve Noir en 1978. Le 4 mars 2102, le lieutenant Brazo Aiker est envoyé sur la Lune, devenu un gigantesque chantier astronaval à l'image d'Arconis III, pour faire partie de l'équipage de la toute nouvelle nef à propulsion linéaire, la Magicienne. Son but est un soleil rouge sans nom à 42 180 années-lumière de Sol. Après une première étape sans histoire, il est décidé de pousser des blocs propulsion à fond. La frégate fonce droit sur un soleil et le traverse de part en part. Elle emporte, dans son champ, une fraction de la masse du Soleil, mais, grâce à Brazo Aiker, une ouverture est créée et la nef peut plonger. La frégate émerge dans le système d'un Soleil bleu, baptisé le Système bleu par le professeur Arnaud Calope. Des ébranlements de continuum sont détectés, mais pas de vaisseau. La magicienne se dirige vers la cinquième planète, baptisée Sphinx. Les échos émanent de sa lune. La frégate s'y pose et se rend compte que la lune est, en fait, une gigantesque station de transmetteurs. Les autochtones, les aconides, sont des humanoïdes présentant quelques points communs avec les arconides. Tout laisse penser qu'il s'agit, en fait, de leur race mère. Ils ignorent les nouveaux venus. Horace de l'Astor, chargé par le Grand Conseil d'enquêter sur les étrangers, arrive trop tard pour les rencontrer. La magicienne est repartie pour Sphinx. La magicienne se pose brusquement. Deux glisseurs s'approchent de la frégate et des aconides se branchent à distance sur les banques mémorielles du navire. Apprenant qu'il ne s'agit pas d'arconides, comme ils le croyaient au début, ils ordonnent aux terriens de partir. Tout l'équipage est paralysé, mais, grâce à l'émir, la frégate arrive à prendre la fuite. Elle traverse l'écran et disparaît dans l'espace. Le fascicule allemand numéro 101, Le Vagabond de l'espace, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 44, Le Caboteur cosmique, paru chez Fleuve Noir en 1978. Le 16 mars 2102, le capitaine Samuel Greybound, qui travaille pour la compagnie de cabotage cosmique, est convoqué par l'Institut de recyclage cosmonautique. Bien que Greybound soit soupçonné de contrebande, il a été choisi pour piloter une des nouvelles nefs linéaires. Greybound refuse avec fracas. Le lézard, son cargo, décolle bientôt. Des médicaments en contrebande sont cachés dans des ours en peluche. Un croiseur tente de l'intercepter, mais le cargo plonge à temps. Alors que la magicienne, après avoir échappé au système bleu, navigue près du centre de la galaxie, une explosion se produit à bord. Les survivants fuient avec l'unique corvette intacte et font naufrage sur la deuxième planète d'un soleil jaune. Sa surface se compose d'une sorte de bouillie grise. Des silhouettes grises se dirigent alors vers les terriens. Un seul SOS a pu être émis. Le lézard le capte et découvre la planète qui se révèle à 100% organique. À la surface, les naufragés en sont arrivés à la conclusion que la planète est un gigantesque protozoaire. Ils progressent à la surface, aux aguets, et doivent utiliser leur radiant pour se frayer un chemin. Ils trouvent refuge sur un rocher. Ivan Ivanovitch Gorachin utilise ses pouvoirs pour déclencher des explosions atomiques. Perry Rodden appelle à l'aide de son émetteur de poignets et entre en contact avec Greybound. Celui-ci se fâche avec son interlocuteur, mais l'émir se téléporte à bord et révèle qui est à la surface. Les naufragés sont embarqués sur le lézard. La nef plonge, mais à sa réimmersion, elle est arraisonnée par trois croiseurs de l'astromarine solaire. Un officier monte à bord, mais Rodden intervient pour que Greybound s'en sorte sain et sauf. Le lézard et les survivants de la magicienne regagnent enfin la Terre. Le fascicule allemand numéro 102, le département 3 intervient, écrit par Kurt Mahr en 1963, ne fut pas traduit en français. Le cargo Carolina, qui se dirige vers Arcanis, est arraisonné en plein vol par un vaisseau inconnu et détruit. Nicky Quinto, le chef colérique de la section 3, envoie un de ses agents, Ron Landry, enquêté sur la disparition. Le croiseur lourd, Royal Irish, ne découvre sur place qu'un nuage de gaz, prouvant que le Carolina a été détruit par des tirs de thermoradion. L'analyse des débris montre toutefois qu'une chaloupe a pu s'échapper. La chaloupe en question a pu emporter le lieutenant Silligan, le caporal Laughlin et trois passagers. Elle se dirige vers la planète Gamma, proche, située dans le système de Togma. En arrivant dans l'atmosphère, la Carolina 2 est abattue et plonge dans l'océan. Larry Rendell, un agent de la section 3 en poste sur Gamma, récupère un empennage. L'analyse montre des traces d'impact énergétique. Ron Landry revient sur Terre et repart pour Gamma peu après avec l'impératrice d'Arcanis et prend contact avec Rendell. Sur Gamma se trouve, en plus d'une colonie terrienne, une base commerciale des francs-passeurs. Les survivants du Carolina sont récupérés par les Gamméens, les habitants amphibies de Gamma, et emmenés dans une de leurs cités sous-marines. Ils apprennent que les Gamméens sont de mèche avec les francs-passeurs. Le lieutenant Silligan prend la fuite et disparaît au cœur de la cité, bientôt suivi par Dinah Lingmuir. Dans leur course éperdue, ils tombent sur une salle secrète de fabrication du verre gamméen, célèbre dans toute la galaxie. Un Lidioc, un monstre marin imposant, menace l'île où est installée la colonie terrienne. Rendell et Landry interviennent et arrivent à tuer la bête. Par reconnaissance, un gamméen leur parle des cinq terriens capturés par son peuple. Il indique que les survivants du Carolina se trouvent dans la cité sous-marine de Golouk. Les deux agents rejoignent l'impératrice d'Arcanis. Des sous-marins, déguisés en Lidioc, s'approchent de la cité sous-marine et l'attaquent. Les survivants du Carolina sont récupérés et les francs-passeurs arrêtés. Leur plan pour se débarrasser des terriens échoue. Le fascicule allemand numéro 103, Le monstre de protoplasme, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 45, La flotte fantôme, paru chez Fleuve Noir en 1978. Sur la station relais Horry 12-18-18, près de Bételgeuse, un navire franc-passeur est arraisonné. L'équipage est à moitié mort, apparemment victime du virus de l'induration intestinale. Le navire hôpital NH3 est envoyé en secours. Un vaisseau inconnu émerge près d'Horry 12-18-18 et continue sa route en ignorant les terriens. C'est un navire aconide qui transporte avec lui le mystérieux 1000C. L'alerte est donnée sur Terre et Perry Rodden décolle avec le Drusus. Il se pose sur Bételgeuse 7 afin d'étudier une étrange construction laissée par les aconides qui se révélait être un transmetteur de matière. Rodden ordonne aussitôt le retour des robots ainsi que la destruction de la machine. Quelque chose a toutefois pu être envoyé. Dans le même temps, le médecin-chef du NH3 informe Rodden que le virus, qui a contaminé les francs-passeurs, a été fabriqué sur la Terre. Dès le retour sur Terre du Drusus, une mystérieuse épidémie se répand sur la planète en une douzaine d'heures, ainsi que sur la Lune. Un médecin, au centre de recherche antivirale, découvre la nature de la maladie. Il s'agit d'un protoplasme mutant qui s'attaque à l'albumine. Même leur régent ne leur aide d'aucun secours. Seul fait positif, le protoplasme guérit de l'induration intestinale. Une course contre la montre est engagée. À Soisy-sur-Seine, près de Paris, l'agent de la défense solaire, Joe Garibaldi, a remarqué qu'il n'y avait aucune victime du protoplasme. Rodden décide de s'y rendre. Sur place, grâce au pouvoir de l'émir, il découvre une base secrète des Aras. Ceux-ci fabriquent le virus de l'induration et se préparaient à le répandre dans tout le système de sol. Les terriens trouvent aussi un instrument qui tient le protoplasme à distance, ainsi qu'un antidote contre ce même protoplasme, mais les chercheurs terriens viennent juste de le découvrir également. La peine de mort étant abolie sur Terre, les Aras seront jugés sur Arconis pour le meurtre des francs-passeurs. Le fascicule allemand numéro 104, Juste un freluquet, écrit par William Volz en 1963, ne fut pas traduit en français. En août 2102, John Edgar Pinser, le fils du PDG de la compagnie fruitière Cosmic, vient de se marier. Comme voyage de noces, il entreprend un voyage vers Ferrol en compagnie de son épouse à bord de l'Imper. Il emporte aussi des graines de super tendre feuille, une variété d'épinards. Après avoir été interrogé par un patrouilleur, l'Imper plonge dans l'hyperespace, mais, en raison du daltonisme de Pinser, il accomplit un hypersaut à grande distance au lieu d'aller dans le système de Vega. Il se retrouve, en fait, à deux années-lumière de la nette blanche, à l'Azé. Un croiseur franc-passeur arrive et appelle l'Imper, demandant à voir un certain Shaughnessy. Par prudence, Pinser se fait passer pour lui. Le navire est amené à bord du vaisseau du franc-passeur, Valmons. Les francs-passeurs croient que Pinser est venu leur livrer de l'opium. Leur but est de développer le trafic d'opium dans la galaxie afin d'affaiblir la position de la Terre. Ils se sont associés avec un certain Vincent Aplide. Le Val 1 plonge dans l'hyperespace pour gagner la planète Alazé. Là, Pinser tente d'envoyer un SOS, mais il en est empêché par Valmons. Avec sa femme, il prend la fuite dans la forêt. Lara, Amat Palong, analyse les graines et découvre qu'il ne s'agit pas d'opium. Pinser et sa femme sont recueillis par les indigènes de la planète, des hommes-oiseaux, qu'ils amadouent en leur offrant des cigarettes. Tandis que les terriens s'entretiennent avec le dénommé Schnitz, des francs-passeurs s'approchent. Schnitz leur donne de fausses informations. Un autre vaisseau se pose sur Al-Azi. Cette fois, il s'agit du véritable Shaughnessy. Valmont comprend alors la méprise et se montre furieux. Ahmad Palang décide de rechercher seul les fugitifs. Ceux-ci veulent trouver une station émettrice pour envoyer un SOS. Ils partent seuls dans la forêt, mais ils sont capturés par une tribu d'hommes oiseaux primitifs. Ceux-ci sont victimes du trafic de drogue et leur réclament de la poudre blanche. Ils sont enfermés, mais de nuit, Schnitz vient les libérer. Ils se rendent ensuite dans une des stations francs-passeurs réparties sur la planète, mais au moment où ils accèdent à l'hypercom, ils tombent sur Ahmad Palang. Lors du combat qui s'ensuit, Schnitz est tué. Lara veut emmener ses prisonniers dans son glisseur, mais les hommes oiseaux, amis de Schnitz, interviennent et le tuent. Pinscher peut enfin envoyer un SOS. Il est reçu par le croiseur Cap Canaveral. Le major Woodworth, ravi de briser la routine, avertit Perry Rodden, qui le charge de récupérer Pinscher, mais en utilisant uniquement un chasseur triplace. Valmont a capté le message et charge un de ses hommes de récupérer les fugitifs. Quand le glisseur arrive auprès de la station, le chasseur triplace l'intercepte et parvient à repartir en emportant Pinscher et sa femme. Shaughnessy se pose à Valmont, voyant la chance tourner, mais Valmont est le plus fort et arrive à le neutraliser. Pinscher est accueilli avec les honneurs sur Terre. Vincent Aplid est arrêté et le trafic d'opium prend fin. Le fascicule allemand numéro 105, La flotte fantôme, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 45, La flotte fantôme, paru chez Fleuve Noir en 1978. Un mystérieux vaisseau se pose sur Harkonnes 3 sans rencontrer la moindre résistance. La totalité de la planète est bientôt entourée d'un champ d'énergie inconnu et infranchissable. Le Drusus arrive, mais toutes les tentatives des téléporteurs, Rashchubai et Takokakuta, pour traverser le champ d'énergie, se révèlent vaines. Seul l'émir y parvient, à l'aide du transmetteur fictif, et il se retrouve sur la planète. Il découvre qu'il a été projeté 15 000 ans en arrière, du temps de l'empereur Medzat III. Les Aconides ont fait croire à Medzat qu'un peuple belliqueux du système de sol s'approche trop près d'Arconis. L'émir parvient à embarquer sur une navette qui part en reconnaissance vers le système solaire, ce qui lui permet de retraverser le champ temporel et d'informer Rodden de la situation. Medzat III, voulant soumettre et non pas détruire Sol, Rodden demande à Reginald Bull de ne surtout pas réagir à l'approche de la flotte ennemie. Effectivement, à l'arrivée de l'escadre dans le système solaire, le commandant Gagolk ne rencontre aucune résistance et hésite sur la marche à suivre. Rodden a appris qu'il y a 15 000 ans, une nef a survolé deux fois Harkonnes III et serait repartie en laissant un unique cratère de 2 km de diamètre sur la planète. Il en déduit qu'un vaisseau, équipé des nouveaux propulseurs linéaires, a une chance de traverser le champ temporel. Il embarque donc sur le Ralph Thorsten avec l'émir, qui aura pour mission de déposer une bombe sur le chronoclaste. Le navire traverse sans encombre le champ temporel. L'émir se téléporte, tandis que le vaisseau commence son deuxième tour de la planète. Sur Terre, Gagolk a débarqué et demande une rencontre avec le chef du système solaire. Il est finalement reçu par Reginald Bull, mais l'entrevue dégénère rapidement car Bull s'énerve. La flotte lance donc son attaque contre la Terre et, de rage, Bull se jette sur Gagolk, mais ne rencontre que le vide. La flotte fantôme a disparu au moment même où les premières bombes atteignaient l'atmosphère terrestre. Sur Harkonnes III, l'émir a réussi à poser la bombe assez près du chronoclaste et à revenir à bord du Ralph Thorsten, qui repart aussitôt. La bombe explose peu après et la planète se retrouve dans le temps présent. Le régent commence aussitôt à rétablir l'ordre dans l'Empire. La catastrophe a été évitée de justesse. Le fascicule allemand numéro 106, l'idole de Passa, écrit par Kurt Mahr en 1963, ne fut pas traduit en français. Nicky Quinto, le chef de la section 3, charge de ses agents, Ron Landry et Larry Randall, d'enquêter sur la planète Passa, colonie terrienne où de nombreux colons ont disparu. Le Laramie quitte la Terre le 7 octobre 2102. Les deux agents prennent contact avec le responsable de la colonie. Pour lui, les enlèvements sont le fait des Evergreens, la race indigène insectoïde de Passa. Randall et Landry discutent ensuite avec l'homme connaissant le mieux la forêt, Lofty Patterson. Il confirme la responsabilité des Evergreens. Une expédition, partie à la recherche des disparus, a été attaquée et seuls 15 hommes sur 120 sont revenus. Patterson, Landry et Randall partent à leur tour en expédition. Leur première étape est la maison de colons retrouvée morte récemment. Là, ils tombent sur un Evergreen isolé. Ils communiquent avec eux après qu'ils aient utilisé un radiant psy. Le translateur leur permet de comprendre que les Evergreens obéissent à un dieu. Les terriens ordonnent à l'Evergreen de rentrer à la maison, puis ils continuent leur route à travers la forêt. Ignorant le sens du mot « maison », l'Evergreen finit par mourir sur place. Suivant la route indiquée par l'Evergreen, ils atteignent les monts Midland et les cavernes où est censé se trouver le dieu. Randall reste auprès du glisseur, tandis que Landry et Patterson pénètrent dans les cavernes. Chacun subit alors une inexplicable crise de haine. Les trois hommes finissent par se retrouver prisonniers des Evergreen dans une grotte où gisent un millier d'êtres humains. Régulièrement, les hommes serpents viennent pour sacrifier un homme. Les trois terriens s'arrangent pour être pris et sont amenés dans une autre caverne où se trouvent plus de 500 Evergreen. Ils sont amenés devant un rectangle noir, d'où s'élève un nuage de fumée. Les trois hommes prennent leur geôlier au dépourvu et plongent dans le trou. Ils affrontent celui qui passe pour un dieu, une créature paraissant à la fois crapaud et ours, et maniant une sorte de marteau. Les trois terriens s'enfuient, le monstre est écrasé sous des rochers et ils rejoignent les glisseurs. Le marteau se révèle être une arme à plusieurs fonctions. Il leur permet de détruire un glisseur ennemi se rapprochant. Les terriens regagnent la Terre, où les spécialistes déterminent que le crapaud ours devait être une créature artificielle due aux aras. Sa forme correspond à une légende des Evergreens. De retour sur Passa, le 21 octobre 2102, les agents de la section 3 utilisent un robot à l'effigie d'un autre dieu pour affronter un deuxième crapaud ours qu'ils vainquent. Les forces terriennes investissent alors la base et arrêtent les francs-passeurs qui sont bien à l'origine de toute l'opération, laquelle consistait à s'emparer de Passa et se procurer des cobayes terriens. Le fascicule allemand numéro 107, Le Système Bleu, écrit par K.H. Schier en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 46, Le Barrage Bleu, paru chez Fleuve Noir en 1978. Tandis qu'Atlan attend l'arrivée de Perry Rhodan sur Harkonnes, On tente de l'assassiner, mais la tentative est déjouée par Felmer Lloyd. Atlan, Rodden et Tamayokida se rendent au cœur du régent pour écouter son rapport sur les Aconides. La seule politique envisageable semble être l'attaque sans préavis. C'est alors que se matérialise un transmetteur Aconide. Les trois hommes sont capturés et emmenés. À leur réveil, ils seront confrontés à Oris de l'Astor. Elle les laisse à nouveau seuls. Rodden en profite pour contacter télépathiquement sa nouvelle nef amirale, le Duc de Fer, et donne l'ordre à sa flotte, et à celle d'Atlan, de se préparer à l'attaque du système bleu. Ayant maîtrisé deux gardes et un officier, Perry Rodden et ses compagnons gagnent le poste central du navire. Ils en prennent le contrôle et interrompent le vol linéaire pour faciliter la poursuite du Duc de Fer. Mais le navire Aconide possède un transmetteur qui est mis en marche et plonge tout le monde dans l'inconscience. À nouveau conscient, Perry Rodden, Atlan et Tamayokida se rendent compte qu'il est préférable d'attendre les secours là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans une station spatiale, plutôt que se faire amener sur la planète. Atlan simule le malaise et Perry Rodden exige les soins les plus diligents. Ils font traîner les discussions, mais la comédie est découverte et Oris vient les chercher pour les transporter sur la planète Drora. Le Duc de Fer arrive alors et Rodden reprend contact avec les mutants. Le groupe se retrouve dans la salle des transmetteurs. Des téléporteurs surgissent alors et transportent tout le monde à bord du Duc de Fer. Les stations spatiales, produisant l'écran bleu, sont détruites une à une par les navires terriens à propulsion linéaire, ouvrant la voie pour les nefs classiques. Faisant, avec leur flotte, le siège du système, Atlan et Perry Rodden exigent et obtiennent la reddition des Aconides, un avant-poste terrien sur Drora, ainsi que les plans de la propulsion linéaire Aconide. Le fascicule allemand numéro 108, Le désert de la mort, écrit par Courtemort en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 47, Le désert des décharnés, paru chez Fleuve Noir en 1979. Sur la planète Lepso, un certain Gérard Lobson vient consulter le docteur Armin Zuglert, lequel vieillit brusquement devant ses yeux. Pris de panique, Lobson s'enfuit. Peu après, une frégate reçoit un appel d'urgence de Zuglert, mais la communication est brusquement coupée. Le colonel Nicky Quinto, de la section 3, envoie sur Lepso le major Ron Landry, car d'autres vieillards décharnés ont aussi fait leur apparition pour disparaître aussitôt. Arrivé sur la planète, Landry se rend chez Zuglert pour enquêter. Il a un accident en prenant l'ascenseur anti-G et se retrouve chez Gérard Lobson qui veut absolument lui faire boire une certaine liqueur. Comme il est menacé par deux francs-passeurs et un ara, il est obligé de boire. Il est enfermé dans une cave avec Lobson et se sent maintenant plein d'énergie. Lobson raconte que, lui aussi, a été arrêté par les trois hommes et forcé de boire l'élixir. Lobson et Landry filent et gagnent le comptoir commercial terrien. Au restaurant, où Lobson veut absolument boire de la liqueur liquitive, un vieillard apparaît soudain. Landry veut l'emmener, mais des policiers s'en emparent. Landry et Lobson prennent un taxi. Ils suivent le gyroplane des policiers jusqu'au désert de Sukhothoum. Le chauffeur enlève son masque et se révèle être Larry Randall, un collègue de Landry. Il sait que les vieillards sont toujours amenés dans le désert, dans une ville dont le centre est formé par une pyramide. Dans la ville, Randall et Landry voient d'autres zombies. Ils sont alors confrontés à des prêtres de Baalol, des Antilles. Après un combat mental, durant lequel les terriens peuvent prendre la fuite et regagner leur voiture, Lobson a disparu. Ce dernier réapparaît et les menace. En fait, il est de mèche avec les francs-passeurs. La liqueur liquitive crée un effet d'accoutumance et il en est devenu l'esclave. Son origine est inconnue, on sait seulement qu'elle a été lancée sur le marché une douzaine d'années plus tôt. La liqueur a d'abord un effet de rajeunissement, puis se produit l'accoutumance et, au bout de 12 ans, une brusque déchéance physique. Les agents de la section 3 regagnent la Terre, où Perry Rodden s'intéresse au problème en raison de l'implication des Antilles. Plusieurs agents reviennent ensuite sur l'Epso et s'infiltrent dans le temple de Baalol en se faisant passer pour des vieillards. Landry retrouve ainsi Zurglert. Celui-ci raconte que 12 ans plus tôt, il avait travaillé avec un biologiste nommé Edmund Hager qui a développé le liquitive. Dès le début, Zurglert en a pris pour étudier les effets sur lui. Il a une photo sur lui d'Edmund Hager qu'il remet au terrien. Landry est interrogé à plusieurs reprises et réussit à prendre la fuite. Un cargo simule un crash sur la Vulton, ce qui permet de récupérer tous les agents infiltrés. La photo d'Edmund Hager se révèle correspondre au trait de Thomas Cardiff. Le fascicule allemand numéro 109, le blocus de l'Epso, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 47, Le désert des décharnés, paru chez Fleuve Noir en 1979. Sur l'Epso, Edmund Hager s'étonne de tant connaître les langues de la Terre alors qu'il fait des mots croisés. Il travaillait jadis sur Zalit, sans aucun souvenir de sa vie précédente, mais il était cantonné à des rôles subalternes. Il fut alors récupéré par des Ara, adeptes de Baalol, qui le remplacèrent par un robot à son image. Sur la Terre, l'état-major de l'Empire solaire est inquiet de l'ampleur prise par la diffusion du liquitive. Il en est de même dans l'Empire Arconide. La photo de Hager ne ressemble à Thomas Cardiff que sous un certain angle, et le fils de Rodden est toujours censé se trouver sur Zalit. La nouvelle arrive bientôt qu'il a été, en fait, remplacé par un robot. Rodden ordonne immédiatement l'interdiction du liquitive et la confiscation des stocks. Une flotte part pour l'Epso avec, pour ordre, de retrouver Thomas Cardiff. La question se pose toutefois de savoir si le fils de Perry Rodden est toujours sous blocage mental. Perry Rodden ordonne le blocus et un combat s'engage avec les lourds. Des unités robots envoyées par Arcanis viennent renforcer les vaisseaux terriens. Des robots sont débarqués sur la planète pour occuper des points stratégiques. Pendant ce temps, les télépathes se concentrent pour retrouver Cardiff. Un bref contact leur permet de déterminer qu'il est toujours soumis au blocage mental. Un anti commence à s'étonner que Hager Cardiff ne réagissent pas au nom de Rodden. Thomas Cardiff est soumis à un psychodélieur afin de changer son schéma mental pour qu'il ne soit plus détectable par les mutants. Le blocage mental est ainsi brisé et Thomas Cardiff retrouve toute son intelligence et son énergie. Sa première décision consiste à distribuer gratuitement le liquitive pour affaiblir l'Empire solaire. Quand ce message est intercepté, Rodden comprend que son fils a retrouvé la mémoire. Un croiseur franc-passeur, emportant les principaux Antilles et Thomas Cardiff, décolle, mais les pouvoirs des Antilles lui permettent de fuir. Les forces terriennes investissent la station TT1, où le liquitive était mis en bouteille, mais il s'avère que l'Epso n'était qu'un centre de diffusion. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 3,